demande la lunette. Go, ils parlent de moi mais je les laisse. Bro, je t'inquiète, je suis pas la laisse. Bro, on va casser les fesses. Bro, oh, oh, ouais, je baisse tout. Jamais de jamais je laisse tout. Oh, le coin il veut me tester tout. Je débarque dans ta tête. Je fais des tours dans le quartier, c'est mort. Je lève ma main à des traites, leur dis. Ouais, ça me fait longtemps que je nique le game. Quand je me demandais comment je m'appelle, je te demande une chose, laissez Jojo Joule tranquille, car tu vois mal dans sa tête. Je mets un cours d'idée, ouais je mets à sec. Je vois la lune coucher quand je capte la A7. Je sais que les jaloux m'écoutent en cachette, et au bête ça m'écoute même en cassette. Ouais jaloux, ouais jaloux. Tu le R1, tu tournes en plaque payée. Tu peux t'en faire un. Tu peux dire comment tu m'imites. J'suis pas mais j'crois que t'as tes limites. J'pars, tu pleures dans les coups de minuit. J'veux pas te plaisir alors que t'es mimi. J'suis pas sensu gros. J'ai gardé mes valeurs. Tant que tu me dis à ta l'heure. Depuis que tu me dois dès lors, on va se revoir, c'est